large de ces côtes-là. Oh, qu'il est doux le temps d'été, là quand nous sommes si bien levés, cloués aux ailes des oiseaux, on pourrait s'envoler plus haut. Perdus au monde, nous sommes bien, aucune amarre ne nous retient. Jamais de ce voyage-là, la carte.